ressembler à Madame Tout le Monde. Peut-être un petit peu plus blonde et moins folie du samedi soir. Mais quand elle m'a dit restons ensemble, qu'elle s'est installée dans ma chambre, mon lit a perdu la mémoire. Moi qui étais style attaché caisse, blazer cravate façon anglaise, moi qui étais l'employé modèle, qui ne faisait que des excès de sel. Je vais, je viens, je couvre, je hurle à la vie, à la mort, l'amour. Je dis vague à tout va, tout vin, tout vent, qui est devenu le genre d'avant. Je vais, je viens, je couvre, je hurle à la vie, à la mort, l'amour. Dans mon cœur le bonheur fait un malheur, qu'est devenu le genre qui pleure. Elle promène un regard sur les hommes, un de ces coups d'œil qui vous donne des fourmis dans les sentiments. Et que je vous parle de ses charmes, serait sans armes, tout seul au bord de l'océan. Moi qui étais dimanche pique-nique, vacances caravane au croisique, je pars de faire une autre fille à Colombo, à Tahiti. Je vais, je viens, je cours, je hurle la vie, à la mort, l'amour. Je dis pas qu'à tout va, tout va, tout vent, qu'est devenu le genre d'avant. Je vais, je viens, je cours, je hurle la vie, à la mort, l'amour. Dans mon cœur le bonheur fait un malheur, qu'est devenu le genre qui pleure. Je vais, je viens, je cours, je hurle la vie, à la mort, l'amour. Je dis pas qu'à tout va, tout va, tout vent, qu'est devenu le genre d'avant. Je vais, je viens, je cours, je hurle la vie, à la mort, l'amour. Dans mon cœur le bonheur fait un malheur, qu'est devenu le genre qui pleure.